savent des tatous sur nous. Eh ben tant mieux. Y'a pas de flics envoyés. Ok, j'ai baissé les volets, wesh mon gros, dès que j'ai vu le jour ébloui, accueilli qui sert par des proches des vrais choux. Vachet depuis le premier qui comprend que je persévère. Sans pic pas de hasard pour les frôlots de la place Tébert. En fait je suis pas un rappeur, je suis un humain avant tout. Je m'accroche à la vie car j'ai une main avant tout. Je me tue à la tâche, mon rap à la gouache. J'étais à ta star, t'as pas le mental, gratte à l'arrache. Toujours official, bien que j'aime pas les concerts. Rouler en CR, c'est mon kiff, ça me concerne. Se prendre la tête sur la vie, on dirait que ça n'arrive qu'à moi. Mes neurones pour comprendre doivent pratiquer le cas. Avec mal fait wesh les spas, on s'en fout gros tête les spas. Tristé par le rap, y'a des ambiances qui ne nous plaisent pas. Mais moi je me lasse pas tant qu'il y a du chino à la prod. C'est pour moi sans scrupule, toujours de spi comme à la prod. Mais tu danses ma frère, trop frais, trop nocif pour être gaufré. Business de cofale où les dollars sont des confrères. Y'a ceux qui pèsent, poussent tous, passent sans le pocher les bastos. Je les baisse tous, reste pas ceux qui cherchent des tonnes en bateau. Gros braco, tape la fuite en R1 ou en phaseur. Y'en a trop qui t'aiment à ta sœur. Illégal et sur mes gardes comme un dard blessé en fave. Comme une fauve dans une cave entourée de 5 faux. 5 photos sans se faire sauter alors fais du vaudou. On tombe pas, on s'en fiche de paye, on veut le salaire à Govou. On joue rap des lobbies, caille, mais c'est mon hobby. Ainsi que les meurs, les transacts de vin Loki. Lookie pleine bouche pour les bouffons qui se prennent pour des barges. Dès le départ, j'voulais des barres en masse dans mon compte épargne. La cité, j'veux m'évader, changer de bled, changer d'idée. À ce qui paraît, j'ai pris perpète, c'est la tour 8 qui me l'a dit. Sans pique, pas le hasard, toujours présent dans les films. Au mic, j't'apporte du lourd même si j'suis tout gueule. Hésite toujours sur le mic, si j'm'arrache, j'suis toujours le prêt. Yo Big Ball Tazar, toujours présent dans les fêtes d'hiver. Appelle-moi Big Box, mon cœur frère, sacré teaser. Qui sert au mic, j't'apporte du lourd même si j'suis tout gueule. Ok. Faut que je me vide les couilles, j'évite les crous, les coups et les douilles. D'un coup tu sais que c'est cool quand le shit s'écoule. J'suis pas bis, pas biche, lâche ma MP, par bis CRS. J'balance un frigo dans leur pare-brise. Chichon est planqué dans l'arbuste, nique sa mère la pute. À ceux qui cataloguent les barbus, mon rap bulldozer, flair d'un bulldozer. Les merdes de chiens ont remplacé mes bulldozers. La street réalité, ça a quoi trop mat. La réalité c'est que tu trouves pas taf si t'as le teint trop mat. La vie c'est dingue, mande à jacouille. D'un coup la vie te met des coups de coude ou de braque ou nunchaku. On se tire les difficiles dans ma street, ça décoiffe. Moi j'suis vénère, comme si j'avais l'accent québécois. Ici les petits aiment se faire tailler des pipes ou tirer au peupon. Qui sert au mic, j'suis massacreur comme les petits bons. Mon man c'est du lourd, c'est pas du coca light. On baisse comme le Wana, tous ces caisses comme Fofana. Boule de boule de Zidane, boule crash à Barthes. Parle mal de ma mère, comme Thomas Wonder. Y'a trop de bitches qui saignent, l'heure du rap, j'gagne toujours à l'applaudimètre. Mec, du bruit pour le challenger. J'suis toujours vachement seul, tu me cherches en plus d'une centaine. Hey, quand j'rappe, c'est le désastre, j'ai des sables. Sur le mic, j'suis samouraï, j'suis riquet. Ou ma sauce de sandwich grain. Hey, comme ton, j'ai pas ton temps. Me tester, c'est pas la peine. Tellement j'suis demandé, j'ai ouvert 3 comptes MSN. On appelle en masqué. En 10, 31, 10, c'est la merde. Faut que j'm'achète une nouvelle carte SFR. En direct de Long Beach. Pour la zone, on met les timbres dans la jaule. Qui sert, qui s'y j't'apporte du lourd même si j'suis tout gueule. J'hésite toujours sur le mic, si je m'arrache, j'suis toujours le prêt. Yo Big Ball Tazar, toujours présent dans les fêtes d'hiver. Appelle-moi Big Box, mon cœur frère, sacré teaser. Qui sert au mic, j't'apporte du lourd même si j'suis tout gueule. Sous Big Balthazar, anti-système pyramidal. Appelle pas ton beatbox pour un morceau pur amical. Demande à ceux qui savent, garde ton sang-froid avant le braco. Moi c'est pas mon délire, dans mon tic-tac c'est Yvan Drago. Je te dis tout de suite, moi mon dieu c'est pas Bouddha. Les tâches les maudits quand on descend toujours en poule des jets de bouteilles. Pour que des sens sur ton taquet et puis sans répit. Au point sous ma bite et ma réponse. J'quatrain comme un parabole, putain y'en a ras-le-bol. De ces schlags qui crachent les blazes au tapor. Au commissariat y'a un tas de porcs. Mec, c'est du rap hardcore qu'on t'apporte à ta porte. Bad boy, les bad boys caracole pas en tête des charts. On est ça pour les schlags et les traps dans les packs. Beatbox, Kizito, Kizer, Sopix, c'est le bordel. On t'apporte ton cercueil en cortège.